Ouais, en fait, regarde ce que j'ai fait. Il y a Titi qui revient. Attention. Je fais un test. Ah, j'ai guitare. Ouais, il va revenir. Ah, merde. Synchroniser un truc, d'accord? Elle est où? Je vais l'enlever. Attends. J'enlève mes drums. Putain, pourquoi ça? Je vais les virer. T'inquiète pas. 3. Je vais enlever les drums. Thank you. mai, pardon. Bouge pas. Alors. Alors. G dièse. G dièse mineur. Attends, je vais te les éclairer. G dièse mineur, Fa dièse, D dièse mineur, C dièse, G dièse, Fa, D, Do, Sol, par exemple, Sol dièse, ça va? Attends, non. Non. Non, non. G dièse mineur, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Sugar, come on. Hey, pas Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, basse. Recherche une solution en voie. Téléphone, non? Je vais voir si j'en trouve un. Medify téléphone. J'en avais pas des Medify de téléphone? Medify. Medify to Deep Purple. Téléphone. La batterie. J'essaye. Ouais. Looking for drugs. J'ai trouvé, ça y est. Thank you. ça doit être ça, mais ça va passer vite. Tempo, tempo. Combien? C'est combien? Attends, attends, attends. Si tu trouves la piste. Je cale la batterie, je vais la mettre un peu plus fort parce que... Pas terrible la batterie. Attends, ouais, j'avais raté l'intro. Désolé. Thank you. Oh, We'll be right back.